Zacharie chapitre 4. Puis l'ange qui parlait avec moi, retourna, et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil, et me dit, que vois-tu? Et je répondis, je regarde, et voilà un chandelier tout d'or, et un bassin au-dessus de son sommet, et ses sept lampes sont sur lui, avec sept tuyaux pour les sept lampes qui sont à son sommet. Et il y a deux oliviers au-dessus, l'un à la droite du bassin, et l'autre à la gauche. Alors je pris la parole, et je dis à l'ange qui parlait avec moi, ce qui s'ensuit, mon Seigneur, que veulent dire ces choses? Et l'ange qui parlait avec moi, répondit, et me dit, ne sais-tu pas ce que veulent dire ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il répondit, et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ce n'est point par armée, ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il tirera la pierre la plus haute, il y aura des sons éclatants, grâce, grâce pour elle. Aussi la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui est-ce qui a méprisé le temps des petits commencements, vu que c'est sept-là, savoir, les yeux de l'Éternel qui vont ça et là par toute la terre, se réjouiront, et verront la pierre du niveau en la main de Zorobabel. Et je répondis, et lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite et à la gauche du chandelier? Et je pris la parole pour la seconde fois, et lui dis, que signifient ces deux branches d'olivier, qui sont auprès des deux becs d'or, desquels l'or découle? Et il me répondit, et dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux fils de l'huile, qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.